Les Pères de l'Église grecque au IVe siècle, par Eugène Fialon, Synésius, mort en 430. Un caractère remarquable de cette époque environnée de si près par la barbarie, c'est que les génies suscités par le christianisme se produisaient à la fois sur tous les points du monde romain. Les ouvrages de Synésius sont un monument curieux de la civilisation qui régnait encore au IVe siècle dans la Cyrénaique, contrée de l'Afrique méridionale, anciennement colonisée par des Spartiates, et quelque temps rivale de Carthage. Cette fertile région que Pindare, dans ses vers, a nommée le jardin de Vénus, et qui fit longtemps une partie du commerce de l'Orient, avait perdu beaucoup de sa splendeur. Je pleure, disait Synésius, sur cette terre illustre de Cyrène, qu'ont habité les Carnéades et les Aristippes. La capitale même était dépeuplée et presque en ruine, mais on comptait encore, dans la province, quatre grandes villes: Bérénice, Arsinoé, Apollonie et Ptolémaïs. Monsieur Villemain, Tableau de l'éloquence chrétienne au IVe siècle. Ce fut là que, vers le milieu du IVe siècle, au temps de Chrysostome, naquit Synésius d'une famille riche et illustre, dont la généalogie, inscrite sur les registres publics, remontait à Hercule. Synésius, lettre 57. Il alla d'abord à Alexandrie étudier la philosophie et les mathématiques sous la belle et vertueuse Hypatie, cette muse sévère, comme l'appelle Monsieur Villemain, massacrée par la populace chrétienne dans un moment d'effervescence religieuse, mais dont l'évêque de Ptolémaïs garda toujours un souvenir enthousiaste. Voulant à l'étude de la philosophie joindre celle de l'éloquence, Synésius se rendit d'Alexandrie à Athènes, 20 ans environ après le séjour qu'y avait fait Basile et Grégoire de Nazianze, mais ce sanctuaire vénéré des arts, si nous en croyons l'admirateur passionné d'Alexandrie et de ses écoles, n'était déjà plus qu'une ombre de lui-même. Que les dieux et les déesses, écrivait Synésius à son frère, perdent le malheureux pilote qui m'a amené ici. Athènes aujourd'hui n'a plus que des noms. Quand une victime est consumée, la peau seule reste pour montrer qu'elle fut un animal. Ainsi, depuis qu'elle a vu se retirer la philosophie, Athènes n'offre plus à l'admiration qu'une promenade à l'académie, au lycée et au portique, qui donna son nom à la secte de Chrysippe qui, par Jupiter, ne mérite plus lui-même celui de Pessille. Dépouillé par le proconsul des peintures où Polygnote de Thésos avait déployé tout son art. Ainsi, de nos jours, l'Égypte nourrit les germes qu'elle a reçus d'Hypatie, et Athènes, autrefois le domicile des sages, n'est plus célèbre que par ses fabricants de miel, Ibidem, Catastase. De retour dans sa patrie, Synésius, préférant son indépendance au vain et onéreux honneur de la carrière publique, refusa toutes les dignités pour mener une vie paisible, en suivant ses goûts. Marié, possesseur de vastes domaines, il partageait son temps entre les lettres, les plaisirs, la chasse et les travaux des champs. Je ne fais point mon métier de la rhétorique, dit-il lui-même. Je cultive les arbres et j'élève des chiens de chasse. Mes doigts sont moins occupés à tenir la plume qu'à manier les dards et les bêches. Synésius, lettre 135. Synésius n'était cependant pas insensible au malheur de ses compatriotes. Ses concitoyens, accablés de maux par l'administration de l'Empire et les invasions des barbares, le députèrent à la cour d'Arcadius, vers l'époque où Chrysostome venait d'être banni. Synésius prononça, devant le faible empereur, un discours sur les devoirs de la royauté, monument d'une philosophie libre et pure. Il ne craint pas d'y censurer le luxe de la cour de Byzance et la honteuse lâcheté qui faisait confier les dignités du palais et de l'armée à des étrangers, à des chefs d'origine barbare. Monsieur Villemain, tableau de l'éloquence chrétienne au IVe siècle. Le courage du philosophe ne déplut pas et sa mission eut le succès qu'on en attendait. En 410, les habitants de Ptolémaïs le demandèrent pour évêque. Il s'en défendit avec une modeste franchise. « Songez-y, disait-il, je partage mon temps entre le plaisir et l'étude. Mais un évêque doit être un homme de Dieu, étranger, inflexible à tout plaisir, entouré de mille regards qui surveillent sa vie, occupé des choses célestes, non pour lui, mais pour les autres. Puisqu'il est le docteur de la loi et doit parler comme elle. » Synésius, lettre 21. Il avait d'autres motifs. Ce disciple des néoplatoniciens ne partageait pas l'opinion de l'Église sur la nature de l'âme, sur la fin du monde, sur la résurrection de la chair. Enfin, il aimait sa femme et déclarait ne point vouloir s'en séparer. On eut égard à ses scrupules, on lui permit de garder sa femme et ses opinions, et on leur donna évêque. Dès lors, il consacra sa vie à son troupeau. Il poursuit un gouverneur qui accablait la province de ses exactions, et quand l'oppresseur encourt la disgrâce de la cour, il le sert avec le même zèle qu'il avait mis à solliciter son châtiment. En 412, il défend Ptolémaïs assiégé par les barbares, encourage les habitants et leur fait repousser les envahisseurs, qui se dédommagent sur le reste de la province, la pille et la dépeuple pour jamais. Ô sirène, s'écriait-il, dans ces jours de malheur, tombeaux antiques des Doriens, où je n'aurai pas de place, malheureuse Ptolémaïs, dont j'aurais été le dernier évêque. Les calamités publiques, les misères irrémédiables des populations et le dégoût des choses de la terre qui s'emparait de tous les esprits, excitaient le courageux évêque à élever les âmes au-dessus de ce monde de souffrance et à les rendre dignes, par leur résignation et leur vertu, d'une vie meilleure. Il instruisait son peuple et le consolait dans ses homélies, dans ses hymnes, il le transportait au milieu des joies ineffables de la vie intellectuelle, et lui faisait oublier une terre dont le séjour était alors si dur pour ses habitants. Markham d'Anarchivorg 2024 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.